Dossier 6, page 99. Activité 5, 6 et 7. Bonsoir à tous, bienvenue en public au Studio 101 pour notre émission Les Trois Coups consacrée ce soir à l'actualité théâtrale. Nous allons commencer par ce spectacle, Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Cette pièce est mise en scène et jouée par Xavier Gallet. Vous la conseillez ? Christelle, c'est à vous. Ah non, pas du tout, c'est trop compliqué. Et vous, Thomas, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est très triste car l'acteur est formidable. Mais il n'est pas fait pour la mise en scène. Et puis, il utilise la vidéo, c'est la mode au théâtre en ce moment, mais là, c'est totalement inutile. Antoine, vous avez la parole. Je renouvelle mon admiration pour l'acteur, mais je crois comme Thomas qu'il n'est pas fait pour la mise en scène. C'est un spectacle purement cérébral, pas très intéressant. Donc je sens que vous allez tous courir voir Les Nuits Blanches à l'atelier. Un mot rapidement maintenant de ce très très grand écrivain portugais qu'est Fernando Pessoa, et dont Alain Olivier met en scène au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, Le Marin, avec Anne Alvaro, Sylvie Pascot. Franchement, je préfère que vous en disiez un mot rapidement vous-même. Clément ? Fuyez. Antoine ? Dormez. Thomas ? Non, moi je trouve ça intéressant. C'est très... comment dire ? C'est presque religieux, c'est un peu comme la messe, quoi. Antoine ? Si vous le permettez, je crois qu'il faut dire la vérité. Si on veut faire fuir les gens, si on veut brouiller les gens avec le théâtre, on leur montre ça et ils n'y retournent jamais. Écoutez, moi je ne suis pas du tout de cet avis. Le langage de Pessoa est extraordinaire. C'est très beau à entendre et à regarder. On a tout à fait le temps de conseiller différents spectacles. Eh bien, on va faire un premier tour de table avec Christelle. J'en ai plusieurs. Ah bon, ben on commence par un et on reviendra à vous après. Alors par quoi vais-je commencer ? Ah oui, je vais commencer par Richard de Marcy. Ça s'appelle « Les vies courtes », c'est un hommage à la francophonie, c'est plein de musique, de danse, c'est grave et c'est charmant. Thomas, un spectacle à conseiller ? Oui, alors un conseil, mais il reste malheureusement peu de temps puisque le spectacle ne se donne que jusqu'au 1er avril. Il faudrait vraiment aller voir Filomena Marturano. C'est une pièce d'Eduardo de Filippo qui est, comme vous le savez, cette pièce qui a donné lieu à « Mariage à l'italienne » qui était jouée au cinéma par Mastroianni et par Sophia Loren. Mais là, eh bien, je ne crains pas de vous le dire, c'est beaucoup mieux qu'au cinéma. Et je pense que Christine Gagneux est absolument éblouissante, royale, et meilleure que Sophia Loren, mais 100 fois. Pour ma part, je suis beaucoup moins enthousiaste que Thomas. C'est un spectacle sympathique, sans plus. Mais non, voyons, vous ne pouvez pas dire ça, c'est un spectacle extrêmement réjouissant. Je suis désolé de vous interrompre, mais malgré toute la sympathie que m'inspire la pièce, je ne trouve pas que ce spectacle soit meilleur que le film. C'est plutôt le contraire. Laissez-moi finir, Clément. C'est un spectacle très drôle, tragique, grandiose et magnifique, que je recommande à tous nos auditeurs. Le titre ? Filomena Marturano. Tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site de 3coupsradiofrance.com. Merci beaucoup à tous pour cette émission.